Chapitre 26. Comment Dankwart tua Gelbfrat. Quand ils furent tous arrivés sur l'autre rive, le roi se mit à demander « Qui nous montrera le bon chemin afin que nous ne nous égarions pas ?» Le fort Volker répondit « Moi, je m'en charge. » « Maintenant, » dit Hagen, « veillez bien, chevaliers et varlets, qu'on suive de près ses amis, voilà ce qui me paraît bon. Je vais vous faire connaître une malencontreuse nouvelle. Nous ne retournerons plus au pays Burgonde. Deux femmes des eaux m'ont annoncé ce matin de bonne heure que nous ne reviendrions pas de ce voyage. Maintenant, voici ce que je conseille de faire. Armez-vous, héros, et soyez bien sur vos gardes. Nous avons ici de puissants ennemis, et il ne faut s'avancer qu'en bon état de défense. J'espérais convaincre de mensonges ces blanches ondines. Elles m'avaient dit que nul d'entre nous ne reverrait sa patrie sauf le chapelain. C'est pour ce motif que je l'eusse si volontiers noyé aujourd'hui. » Cette nouvelle vola d'escadron en escadron. Plus d'un héros agile en devint sombre, car ils se mirent à penser avec souci à cette dure mort qui les attendait en ce voyage de fête, et certes, ce n'était pas sans motif. Ils avaient passé le fleuve près de Möhringen, c'était là que le notonnier d'Els avait été tué, mais Hagen parla. « Puisque je me suis déjà fait des ennemis sur la route, certes, ici on nous arrêtera. Ce matin, de bonne heure, je tuais le batelier, sachez ce fait. Donc mettons hardiment la main à l'œuvre, et si Gelbfrat et Els osent attaquer notre suite, qu'il leur en arrive malheur. Je sais qu'ils sont assez braves pour ne pas attendre longtemps, c'est pourquoi faites aller les chevaux plus doucement, afin que personne ne s'imagine que nous fuyons par le chemin. » « Je suivrai ce conseil, » répondit Geiselher la bonne épée. « Qui conduira nos troupes à travers le pays ?»« Ce sera Volker, » répondit-on, « car ce brave ménestrel connaît les chemins et les sentiers. » Avant qu'on eût achevé ces paroles, on vit debout et bien armé le rapide joueur de viol. Il attacha son haume, son costume de bataille était d'une magnifique couleur. Il fixa au haut de sa lance une banderole rouge. Depuis lors, il se trouva avec les rois dans un terrible danger. La nouvelle de la mort du notonnier était arrivée à Gelbfrat, qui n'en pouvait douter. Else, le très fort, en était aussi instruit. Tous deux en étaient affligés. Ils firent requérir leurs guerriers qui furent bientôt prêts. En peu de temps, je veux vous le raconter, on vit accourir autour d'eux beaucoup de terribles escadrons qui avaient accompli maints exploits en de cruelles guerres. Au moins 700 hommes vinrent au secours de Gelbfrat. Quand ils s'avancèrent à la rencontre de leurs redoutables ennemis, leurs chefs les conduisirent. Ils voulaient immédiatement attaquer les audacieux étrangers. Bientôt, plus d'un parmi les amis de ces seigneurs succomba. Hagen de Trondheim avait arrangé les choses ainsi. Comment un héros aurait-il pu mieux protéger sa parenté? Lui-même faisait la garde, la nuit, avec ses hommes et son frère Dankwart. Tous le faisaient volontiers. Le jour était écoulé, il n'en jouissait plus. Hagen craignait les dangers et les malheurs pour ses amis. Ils chevauchaient à l'abri de leurs boucliers à travers le Bayerland. Peu de temps après, les héros furent attaqués. Des deux côtés de la route et très près derrière eux, ils entendirent résonner les sabots des chevaux. Les ennemis arrivaient rapidement. Le hardi Dankwart dit « C'est ici qu'on veut nous assaillir. Attachez vos haumes, suivez mon conseil. » Ils arrêtèrent leur marche, ainsi qu'il convenait de le faire. Ils voyaient dans les ténèbres briller les boucliers bien polis. Hagen ne voulut point se taire plus longtemps. Qui donc les poursuivait ainsi par le chemin? Voilà ce que Gelbfrat devait lui dire. Le margrave de Bayerland répondit « Nous cherchons nos ennemis et nous avons couru après eux. J'ignore qui m'a tué mon notonnier, un héros si habile. C'est pour moi une grande peine. » Hagen de Trondheim reprit « Ce batelier était-il à vous? Il ne voulait pas nous passer. Moi, je suis le coupable. C'est moi qui ai tué cet homme fort. Mais en vérité, j'y ai été obligé. » Car j'ai presque reçu de ses mains une mort horrible. Je lui offris pour récompense de l'or et des vêtements, afin qu'il nous transportât, ô héros, en ton pays. Il s'en irrita si fort qu'il me frappa avec un énorme aviron. Cette attaque excita ma fureur. Je tirai mon épée et, me défendant contre sa rage, je lui fis une profonde blessure. Cet homme brave en mourut, mais je suis prêt à composer pour sa perte, suivant que vous le trouverez bon. » On commença à se disputer de part et d'autre. Les esprits étaient très excités. « Je savais bien, » dit Gelfrat, « que si Gunther et sa troupe passaient par ici, nous souffririons du dommage par la main de Hagen de Trôneil, mais il n'échappera pas. Ce guerrier doit répondre pour la mort du notonnier. » Hagen et Gelfrat abaissèrent leurs lances au-dessus des boucliers afin d'en percer leur ennemi. Tous deux désiraient la mort de leur adversaire. Else et Dankwart se lancèrent l'un contre l'autre. Ils éprouvèrent leur valeur. Ah, ce fut un rude combat! Quand des guerriers se sont-ils jamais mieux battus? D'un coup terrible, la main de Gelfrat poussa l'audacieux Hagen à bas de son cheval. La courroie de sa cuirasse se rompit. Il apprit ce que c'était qu'un combat. Le bruit des lances de leurs hommes retentissait au loin. Hagen, jeté sur le gazon par la violence du choc, se releva. Sa fureur contre Gelfrat redoubla. J'ignore qui tint leurs chevaux. Hagen et Gelfrat étaient tous deux à terre sur le sable. Ils s'élancèrent l'un sur l'autre. Leurs compagnons s'entrechoquèrent en une effroyable mêlée. Quelle que fût la rage de Hagen à assaillir Gelfrat, le noble margrave n'en abattit pas moins une grande partie de son bouclier. Le feu en jaillit. L'homme lige du roi Gunther faillit bien perdre la vie. Il se mit à appeler Dankwart à haute voix. « À l'aide, frère chéri, un héros au bras rapide m'a assailli. Il en veut à ma vie. » Le hardi Dankwart répondit. « Moi, je vais vous séparer. » Le héros bondit vers eux et, d'un coup de son épée bien acérée, il étendit Gelfrat mort à ses pieds. Else aurait voulu venger le vaincu, mais lui et sa troupe se retirèrent avec de grandes pertes. Son frère était tué, lui-même était blessé. Plus de 80 de ses guerriers demeurèrent sur le champ de bataille en proie à l'affreuse mort. Leur maître était obligé de fuir devant les hommes de Gunther. Ceux du Bayerland se retirant de la route, on entendit encore retentir de terribles coups. Les hommes de Trôneil se mirent à la poursuite des ennemis qui, voulant échapper à la mort, fuyaient en toute hâte. Quand il les vit reculer ainsi, Dankwart, la bonne épée, parla. « Nous allons aussitôt rebrousser chemin, et nous les laisserons chevaucher. Ils sont tout baignés de sang. Hâtons-nous de rejoindre nos amis, voilà ce que je vous conseille. » Quand ils repassèrent sur le lieu du combat, Hagen de Trôneil dit « Héros, nous allons voir qui nous manque et qui nous avons perdu ici dans cette rencontre par la fureur de Gelfrat. » Ils avaient perdu 4 des leurs, qu'ils pleurèrent avec raison, mais ils étaient bien vengés. Car de l'autre côté, 100 ou même un plus grand nombre des hommes du Bayerland étaient tués. Les boucliers des guerriers de Trôneil étaient tout ternis et humides de sang. La lune brillante perça à moitié les nuages. Hagen dit « Personne ne dira à notre maître ce que nous avons fait. Laissons-le reposer cette nuit sans souci. » Ceux qui avaient combattu là le suivaient, mais la fatigue faisait beaucoup souffrir la troupe. « Combien de temps chevaucherons-nous encore ?» demandèrent plusieurs d'entre eux. Le brave Dankwart répondit « Il n'y a point ici de logis à avoir. Vous devez tous cheminer jusqu'à ce que vienne le jour. » Volker, le rapide, qui prenait soin de la suite, fit demander au maréchal « Où arriverons-nous aujourd'hui et où nos chevaux et nos chers seigneurs pourront-ils se reposer ?» Le hardi Dankwart répondit « Je ne puis vous le dire, mais nous ne pouvons nous reposer avant que le jour vienne. Alors, où que nous nous trouvions, nous nous coucherons sur l'herbe. » Quand ils entendirent ces paroles, tous furent bien mécontents. Sans qu'on s'en aperçût, ils restèrent tout rougis de sang, jusqu'à ce que le soleil, se levant au-dessus des monts, les éclaira de ses rayons brillants. Alors le roi vit qu'ils s'étaient battus. Le héros irrité parla. « Qu'y a-t-il maintenant, ami Hagen? Vous avez tenu peu de compte de ma présence, me semble-t-il, puisque vos cottes de mailles sont à ce point humides de sang. D'où cela vient-il ? » Hagen répondit « C'est Else qui nous a attaqués cette nuit. Il s'est jeté sur nous à cause de la mort de son hôtonnier. La main de mon frère a tué Galbfrat. Els a fui. L'extrême danger l'y obligeait. 100 des siens, 4 des nôtres ont succombé dans le combat. Nous ne pouvons indiquer au juste l'endroit où ils s'arrêtèrent. Tous les gens de la campagne apprirent promptement que les fils de la noble Wat se rendaient à la cour. Bientôt après, ils furent parfaitement reçus à Passouve. L'évêque Pilgrin, l'oncle du noble roi, était très heureux de voir arriver dans le pays ses neveux avec tous leurs hommes. Ils s'aperçurent vite qu'il leur voulait du bien. Tous leurs amis allèrent les recevoir sur la route. Comme on ne pouvait les traiter tous à Passouve, ils durent chercher une plaine au-delà de l'eau afin d'y dresser des huttes et des tentes. Ils s'arrêtèrent en cet endroit un jour et une nuit entière. Comme on prit soin d'eux. Après cela, il leur fallut chevaucher vers le pays de Rudiger, qui apprit bientôt la nouvelle de leur venue. Fatigués du chemin, les cavaliers s'étaient déjà approchés du Jutunland, et ils prenaient du repos quand ils trouvèrent dans la marche un homme endormi auquel Hagen de Troneil enleva sa forte épée. Ce bon chevalier s'appelait Ekvart. Il eut grand-peine d'avoir perdu ainsi son arme au passage de ses héros, car ceux-ci trouvaient la marche de Rudiger très mal gardée. « Hélas, honte à moi !» s'écria Ekvart. « Oh, que le voyage des Burgondes m'afflige ! Depuis que j'ai perdu Siegfried, toute joie est anéantie pour moi. Hélas, seigneur Rudiger, que j'ai mal rempli mon devoir envers toi !» Hagen, entendant le désespoir de ce noble guerrier, lui rendit son épée et y ajouta 6 bracelets d'or rouge. « Reçois-les de bonne affection, ô héros, et sois mon ami. Tu es un guerrier intrépide, puisque tu restes ici seul. » « Dieu te récompense de tes bracelets, » dit Ekvart. « Et pourtant, votre voyage chez les Jutunen m'afflige. Vous avez tué Siegfried, et ici l'on vous hait. Soyez bien sur vos gardes. Voilà ce que je vous conseille en toute sincérité. » « Maintenant, c'est à Dieu à nous protéger, » répondit Hagen. « Ces guerriers, les rois et leurs hommes n'ont qu'un souci, trouver un logement dans ce pays où nous puissions nous reposer cette nuit. Nos chevaux sont épuisés par la longueur du chemin et nos vivres sont à bout. » Ainsi parla Hagen à la bonne épée. « Nous n'en trouverons pas facilement. Nous aurions besoin d'un hôte qui nous accorda par générosité le pain pour cette nuit. » Ekvart prit la parole. « Je vous indiquerai cet hôte, et en aucun pays vous n'aurez rencontré une maison plus hospitalière que celle-là, si vous voulez voir Rudiger, ô héros rapide. Il réside le long de la route, et c'est le meilleur hôte qui jamais tint maison. Son cœur enfante des vertus, comme le doux mois de mai fait éclore les fleurs dans l'herbe. Quand il peut être utile à des héros, son âme en est joyeuse. » Le roi Gunther dit « Voulez-vous être mon envoyé près de mon bon ami Rudiger et lui demander si, pour l'amour de moi, il veut nous recevoir, moi, mes parents et nos hommes? En tout temps, je reconnaîtrai de mon mieux les obligations que je lui aurai. »« Volontiers serai-je votre envoyé, » dit Ekvart, et avec grand plaisir il se mit en route et annonça à Rudiger tout ce qu'il avait appris. De longtemps, celui-ci n'avait reçu si bonne nouvelle. On vit un guerrier accourir vers Berlaren. Rudiger le reconnut et dit « Voilà sur la route Ekvart, un des fidèles de Kriemhild qui approche en toute hâte. » Il s'imaginait que les ennemis lui avaient causé quelques dommages. Il s'avança en avant de la porte où il rencontra le messager. Celui-ci détacha son épée et la déposa près de lui. Il ne scella point longtemps la nouvelle qu'il apportait à l'hôte et à ses amis. Il la leur dit aussitôt. Il parla au margrave. « Je suis envoyé vers vous par Gunther, monseigneur, du pays des Burgondes, par son frère Giselher et aussi par Gernot. Chacun de ces héros vous offre ses services. Hagen et Volker agissent de même avec zèle et dévouement. Et je vous dirai plus, le maréchal du roi vous fait savoir par moi que ses bons compagnons ont bien besoin de vos logements. » D'humeur souriante, Rudiger répondit « Je suis heureux d'apprendre que ces nobles rois ont besoin de mes services, qui certes ne leur seront pas refusés. S'ils viennent chez moi, vraiment j'en serai fier. » « Dankwart, le maréchal, vous fait savoir qui vous recevrez avec lui chez vous. Il y aura 60 chefs rapides et 1000 bons chevaliers avec 9000 serviteurs. » Rodiger avait l'âme joyeuse. « Recevoir de pareils hôtes est un bonheur pour moi. Je me félicite d'avoir en ma demeure ces illustres seigneurs à qui j'ai bien rarement rendu quelques services. Je m'avancerai à leur rencontre avec mes parents et mes hommes. » Chevaliers et varlets se précipitèrent vers leurs chevaux. Tout ce que leur maître leur commandait leur paraissait bon. C'est pourquoi ils se préparaient d'autant plus volontiers à obliger les étrangers. Dame Götelind, assise dans ses appartements, ne savait rien encore. «